zéro âme. Un noob s'approche, content. Il croyait que c'était un apéro entre gens. J'ai mis les saucisses, mais c'est pas du porc. C'est ton pseudo qui grille et c'est hardcore. Le gris crépite, le loup de fond. On fait des merguez avec ton pantalon. Le bébé que du turfu. Pas de charbon, que des victimes. T'arrives, tu cries, t'es cuit en prime. Gérard, est-ce qu'il s'est chaud bouillant? Même ta tour, elle sent le roussi, frérot. Y'avait un mec caché dans les feuilles. J'ai cliqué, il a fondu comme de la meule. Il gueulait, je suis pacifiste. Désolé frérot, je suis pyromane réaliste. Le bébé cul du turfu. Pas de charbon, que des victimes. T'arrives, tu cries, t'es cuit en prime. Ride est-ce qu'il met tout le monde en flamme. Même ton slip est parti en fumée. La grille est chaude, les morts s'enchaînent. Une brochette de loot et moi je me régale. J'suis pas cruel, j'suis culinaire. T'as spawn, ben j'vais te faire griller mon frère. De le bébé cul du turfu. Pas de charbon, que des victimes. T'arrives, tu cries, t'es cuit en prime. Ce qu'il fait cramer la main.